Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de Clotaire Ier, comment il avait pris le pouvoir et qu'il était devenu le seul roi de l'imposant royaume du Regnum Francorum. Évidemment, cela avait eu un impact sur sa vie. Sur sa vie intime, sur sa vie conjugale, puisqu'il s'est marié à plusieurs femmes d'ailleurs souvent en même temps. Donc c'est un de ces rois francs qu'on dit polygame. Et il a épousé Ingonde dans un premier temps, avec qui il s'est marié à la romaine, c'est-à-dire finalement devant l'église en 532. Il a épousé aussi Arégonde, parce qu'il ne trouvait pas de meilleure partie que lui-même. Et ensuite, il a épousé Gondioc, la femme de Clodomir, dont il avait massacré la descendance en 532. Il épouse ensuite Radegonde en 536 pour en faire sa reine, puisque Ingonde est morte. Et Radegonde, nous l'avons vu, avait fui en réalité cet époux qu'elle ne supportait pas, qu'elle trouvait d'une violence épouvantable et qui en plus était franchement polygame. Parce que sans compter les femmes officielles, il avait en plus des concubines. Et pour les Francs, à l'époque, les concubines aussi avaient un statut, avaient des droits et pouvaient aussi les transmettre à leur descendance. Clotaire finit par accepter que Radegonde le quitte pour rentrer dans les ordres et devenir sœur dans ce monastère de Sainte-Croix à Poitiers. Celle-là n'empêche pas que finalement la vie conjugale de Clotaire continue, puisque après Radegonde, il finit par épouser une certaine Visigrade. Visigrade est la femme de ce Thibaut, qui est le fils de Tibère, qui est lui-même le fils de Thierry, puisque il s'est approprié d'ailleurs les terres d'Austrasie, dont Visigrade était la reine. Et c'est une façon aussi d'officialiser le fait qu'il est devenu vraiment le roi du Regnum Francorum. Il épouse, d'ailleurs, on oublie aussi que après son échec de son mariage avec Radegonde, avant d'épouser Visigrade, la femme de Thibaut, il épouse une certaine Schimsine, dont il fait sa reine d'ailleurs, donc qui est en fait officiellement sa reine, et avec qui il aura un fils Chramne, dont la destinée malheureusement est assez tragique, puisqu'il le tuera, lui et toute sa descendance, pour trahison. Chramne, on sait, en basalement, Chramne signifie corbeau. Hein. Donc peut-être que c'est un mauvais présage. Il devait sûrement avoir les cheveux noirs pour s'appeler corbeau et pour avoir ce nom de Chramne. Et enfin, il épouse, après avoir épousé Visigrade, il épouse, oui c'est ça, Visigrade, la femme de Thibaut. Alors certains disent que c'est pas Visigrade qu'il épouse vraiment, c'est plutôt Vultehalde, mais la prononciation n'est pas toujours évidente, et en fait la transcription n'est pas non plus tout à fait juste. Donc Visigrade ou Vultehalde, en tout cas il épouse la femme de Thibaut, héritier d'Austrasie. Et il aura été polygame jusqu'à la fin de sa vie, autant par intérêt politique que par goût. Alors, en 561, donc Clotaire meurt. Et il est enterré à Soissons, sa première capitale. Alors, ses quatre fils sont présents. On retrouve Caribert, Gontran et Sigebert, les fils d'Ingonde. Donc, Caribert, Gontran et Sigebert. Et le petit dernier, le fils de Darigonde. Il se retrouve la même année, ensuite, sur l'île de la Cité, dans l'ancien palais du gouverneur romain, pour faire les partages en présence d'un notaire. Est-ce que Clotaire a eu le temps de préciser ses dernières volontés? On ne sait pas. Est-ce que les frères ont négocié durement? Est-ce que la force des traditions s'imposait de telle sorte que l'issue était connue d'avance? Difficile à dire. On prétend aujourd'hui encore que le partage était parfaitement égal. Il ne faut pas être grand géographe pour voir qu'en réalité, certains frères sont favorisés et d'autres non. Il est probable que les trois fils d'un Gonde ont targué d'un droit de primogéniture pour se tailler la part du lion. Caribert, l'héritier, Caribert qui est le fils aîné, vraiment le fils aîné, il hérite, un peu comme nous l'avons vu dans le partage précédent, entre les fils de Clovis, Caribert, lui, hérite d'un territoire considérable, avec la façade maritime la plus grande, il a comme capitale la ville, la très riche ville d'Orléans. Son royaume s'étend de Beauvais au Pays Basque, en passant par Poitiers et Limoges. Son territoire est 5 fois plus grand que celui de Chilpéric. Quant à Gontran, roi de Burgondie, certes, il n'a pas de façade maritime, mais il règne sur une région qui comprend le centre, le massif central et la riche vallée du Rhône. Son territoire est d'un seul bloc, donc facile à défendre. Sigebert hérite, lui, de l'Austrasie et d'une partie de l'ancienne Aquitaine, deux territoires qui ne se touchent pas. Toutefois, avec l'Austrasie, il hérite de très riches villes comme celle de Metz, comme celle de Reims, où il établit sa capitale d'ailleurs. Il dispose de tous les moyens nécessaires pour soutenir une guerre avec ses belliqueux voisins, Alamans, Worms et Saxons. Mais Chilpéric, lui, hérite d'un cinquième du territoire de Caribert. Il s'agit des terres ancestrales des Francs, certes, celles de Soissons et de Tournai, lieu de naissance de Clovis. Mais Chilpéric se sent lésé, d'autant plus que la ville de Paris est mise en indivision. Il pourrait au moins se rattraper sur Paris, mais c'est de la ville de Paris est mise en indivision. Les revenus fiscaux sont répartis de façon égale entre les frères. Chacun doit prévenir l'autre frère dès qu'il envisage de traverser la ville de Paris. Alors, pourquoi en fait Chilpéric se retrouve avec un territoire aussi ridicule? Parce que quand on voit une carte, vraiment c'est absolument évident. Alors, il n'y a pas seulement le fait qu'il est le petit dernier, et même peut-être le petit chouchou, donc qui a tendance à agacer évidemment les autres frères. Mais c'est aussi qu'en 561, alors que son père venait tout juste de mourir, ou peut-être juste avant, donc ce qui est de très mauvais goût, il s'est emparé du trésor de Clotaire qui était consigné à Berny. Pourquoi? Pour pouvoir, avec ce trésor, soudoyer tous les puissants du royaume et acquérir tout de suite le plus grand royaume. Donc il pensait qu'avec ce petit tour de passe-passe, hop, il pourrait se tailler lui-même la part du lion. Parce qu'il savait de toute façon qu'il ne pourrait pas hériter de la part du lion, donc il fallait qu'il le fasse lui-même. Et d'où ce coup d'État, qu'on appelle le coup d'État de Berny, de Bernacoum. Voilà. Mais malheureusement, il n'a pas du tout réussi. Il s'est fait attraper par ses frères. Et évidemment, il a été puni. Et la conséquence, c'est qu'il s'est retrouvé avec le plus petit territoire, un petit territoire confiné dans le nord du royaume, avec certes une petite façade maritime, mais exposée aux invasions barbares. Bref, Chilpéric commence mal, et il en veut énormément à ses frères, et a décidé de se venger.